Nous sommes le 27 janvier 2023. Bonjour amis auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. 9 femmes ont été tuées par leur conjoint à Nega. Nous sommes dans la province de Kirundo à partir de l'année écoulée. Et des habitants de Nanga, de la zone Gatumba, de la commune Mutimbudi sont malmenés par un militaire qui les interdisait d'accéder dans leur propriété foncière. Et 2 ministères sur 5 sont déjà installés à Gitega. Le ministère de l'Éducation nationale de la recherche scientifique était censé y être, ne dispose pas des moyens financiers, mais le ministre promet de s'y installer dès que les moyens sont disponibles. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Eric Wimana assure la mise en onde, Moïse Misago sur la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ne dispose pas encore des moyens financiers pour se délocaliser de Bujumbura à Gitega. François Habyarimana a dit cela ce jeudi à Gitega lors d'une réunion organisée par son ministère en collaboration avec des autres ministères, dont celui de l'énergie et mine à l'intention de la population de Gitega. Seuls 2 ministères sur 5 ont été transférés à Gitega jusqu'à présent, n'est-ce pas Gérard Nibigue? Un des participants à cette réunion a demandé au ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique les raisons qui ont poussé son ministère à ne pas se délocaliser de Bujumbura à Gitega au moment où son prédécesseur Janvier Ndirahisha avait même loué une maison dans le but de s'installer dans la capitale politique Gitega. Répondant à la question lui posée, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique François Habyarimana a indiqué qu'il aime la province de Gitega et a précisé que si le nécessaire serait disponible, il est prêt à venir s'installer à Gitega, même demain, lui et tout le personnel de son ministère, et que cette question a été analysée au niveau du même ministère. Il a ajouté néanmoins que malheureusement, le nécessaire n'est pas encore disponible, donc les moyens financiers manquent et a déclaré que la responsabilité ne leur revient pas. Plus tôt, a-t-il terminé, la décision a été déjà prise. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique devra être délocalisé de Bujumbura à Gitega. Vous vous souviendrez que ces 5 ministères, à savoir le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, le ministère de la Justice, le ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, et le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique qui devrait être délocalisé de Bujumbura à Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigera. Et ce ministère de l'Éducation nationale de la recherche scientifique demande au directeur des écoles fondamentales de la province Maro, ayant des arriérés de salaire, des veilleurs, de régulariser la situation dans les meilleurs délais. Lors de sa descente dans cette province, ce jeudi, François Habyarimana a indiqué qu'il est déjà au courant de l'insuffisance et de l'irrégularité de ses salaires des veilleurs dans certaines écoles. Il a promis de le signaler dans un rapport qu'il va transmettre aux autorités hiérarchiques pour que cette catégorie de travailleurs soit prise en compte dans les prévisions des dépenses de l'État. Quant aux enseignants de cette province redéployés vers d'autres provinces et qui veulent retourner dans la province d'origine, il a indiqué que la priorité est donnée aux apprenants en évitant qu'il y ait des classes sans enseignants, ce qui pousserait des directeurs d'école à recruter des enseignants vacataires ou bénévoles. Je vous le disais tantôt, les propriétaires des champs de culture situés dans une partie appelée Nanga de la zone Gatumba sont malmenés. Des gens derrière lesquels se trouve un militaire les empêchent d'accéder dans leurs champs, déplore-t-il. Cela est ainsi au moment où le gouverneur de la province Bujumbura les a autorisés à cultiver. Ces habitants tirent la sonnette d'alarme au chef de l'État d'intervenir pour être rétablis dans leurs droits, n'est-ce pas Jean-Marie Mayong? Ces parcelles se trouvent à Nanga, c'est dans la zone Gatumba, et sont occupées par 600 personnes qui y cultivaient plusieurs cultures, et ces temps sont passés sans y mener aucune activité. On nous a ouvert l'accès à nos champs situés à Nanga, à Gatumba. Une partie de ces champs où se trouvent plusieurs cultures, comme les palmiers et les manguiers, nous ont été refusés d'accès. Le gouverneur nous avait autorisé d'aller cultiver, mais un certain militaire nommé Nyamnyoma un colonel nous y a interdit d'accès et nous a menacé de mort. Après l'interdiction de cultiver dans nos champs suite à l'insécurité, nous avons laissé toutes les cultures. Après, nous avons été malmenés et les récoltes étaient récupérées par les militaires et toutes les activités étaient faites par le nommé Paipo qui disait que nous n'arriverons pas dans nos champs. Ces habitants disent qu'ils vont mourir de faim. Ils demandent au chef de l'État d'arriver à Gatumba pour faire le constat. Nous lançons un appel au chef de l'État d'intervenir en nous protégeant de ce militaire et essayer de trouver une solution à nos problèmes fonciers. Il faut que le nommé Paipo soit arrêté pour qu'il explique pourquoi il occupe les terres des populations. Nous demandons au chef d'État d'arriver à Gatumba pour faire le constat. Contacté à ce sujet, le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Nsengiyumva, a répondu qu'il est au courant de cette situation et a autorisé à ses habitants de cultiver dans leurs champs comme ils le faisaient. Dans une réunion tenue au mois de janvier de cette année, le ministre de la Défense nationale, Alain Tribert Mutawadi, s'est exprimé sur cette question, disant que s'il y a des militaires qui occupent les parcelles de ces citoyens, et après les enquêtes, un militaire qui sera cité dans ce dossier sera puni selon la loi. Merci Jean-Marie Mayonga. Le cimetière est un espace public pour l'enterrement. Réaction de Gervais Ndira Kobucha, premier ministre burundais, sur la question soulevée lors d'une réunion avec les responsables de la mairie de Bujumbura concernant le cimetière se trouvant dans la zone Kanyosha qui a été privatisée. Le premier ministre recommande à l'administrateur de la commune Muha de trouver solution suivie. Concernant le cimetière de Kanyosha, est-ce que l'administrateur n'est pas au courant? Je me dis bien qu'il est au courant, qu'il trouve la solution en premier lieu. Je sais qu'il ne peut pas accepter la privatisation d'un cimetière. Pouvons-nous enterrer les morts? Est-ce qu'on peut les brûler? Il faut savoir que le cimetière est un lieu public. Mais le problème est que nous ne nous souvenons pas que c'est un bien public. Vous construisez des maisonnettes de 5 mètres sur 5 mètres dans le cimetière. On fait même des clôtures pour empêcher les autres d'enterrer les leurs tout proches. Nous sommes égoïstes jusqu'à ce que même après notre départ, on se dit qu'on va continuer à construire des maisons. Cela est causé par notre histoire, mais les citoyens doivent être rétablis dans leurs droits. À 13h04, poursuivons cette édition. L'Office burundais des recettes OBR est en train de recouvrer auprès de la compagnie de téléphonie mobile Econet Leo une somme de plus de 88 milliards et 700 millions de nos francs ainsi que plus de 44 millions de dollars américains. L'Office donne un délai de 5 jours calendaires aux banques et institutions de microfinance qui logent les comptes de l'Econet Leo, c'est-à-dire Cassava Fintech et Sasai Fintech, pour que ces fonds soient virés vers les comptes de la RCT ouverts à la Banque Centrale Léonce Vitario. La correspondance a été transmise le 24 janvier dernier aux institutions bancaires et de microfinance, 17 en tout, dans lesquelles la maison de téléphonie Econet Leo détient des comptes. Elle dit qu'en vertu des dispositions 105 jusqu'à 109 de la loi numéro 01/12 du 25 novembre 2020 relative aux procédures fiscales et non fiscales, les détenteurs sont tenus, sur demande de l'administration fiscale, de payer à l'acquis de Cassava Fintech, Sasai Fintech, la dette de Econet Leo des montants de 88 756 millions 6 572 francs burundais et de 44 344 345 dollars américains représentant les arriérés dus par cette dernière. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus. Ces institutions bancaires et de microfinance ont ainsi obligation de virer tous les soldes se trouvant sur les comptes de Cassava Fintech, Sasai Fintech, vers deux comptes de l'ARCT en francs bou et en dollars, ouverts à la Banque Centrale, les montants retenus au profit du Trésor Public. Au cas où la provision de ces comptes serait insuffisante pour couvrir les montants de cette dette, poursuit la correspondance, il faudra bloquer les comptes et les solder pour les comptes ci-cités en ayant 5 jours calendaires à la date de la réception de cet avis à tiers détenteur. Ces institutions doivent aussi communiquer le montant des soldes virés. Et à défaut de satisfaire cette demande, dans un délai de 5 jours calendaires, à dater de la réception de la demande, elles seront poursuivies comme si elles étaient débiteurs directs. Merci Léonce Vitarigo. Et les clients de l'Econet Léo ont fait un sit-in ce vendredi devant les bureaux de cette entreprise. Ils veulent faire le retrait des dépôts de l'EcoCash après qu'ils aient constaté que l'Office burundais des recettes OBR a mis en garde cette entreprise. Le chargé des relations publiques au sein de l'Econet Léo tranquillise ses clients qu'ils seront tous servis et que cette entreprise ne compte pas fermer ses portes, a-t-il martelé. Je vous le disais en titre, 9 femmes de la commune Nega ont été assassinées par leur conjoint à partir de l'année passée. 2 parmi elles ont été tuées au cours de 2 dernières semaines, comme cela a été dit dans une réunion de sécurité tenue ce jeudi en cette même commune par le gouverneur de Kirundo et accompagné par les instances de sécurité. Le dernier cas d'assassinat a été commis par le caporal chef Bizimana Pascal du camp de Nyanzalak en province Makamba. Le gouverneur Albert Atungimana demande à la population de se retenir et d'éviter la vengeance, n'est-ce pas, Abraham Safari? Dans cette réunion de sécurité tenue ce jeudi par le gouverneur de Kirundo, Albert Atungimana, à l'endroit de la population de la commune de Nega, il a été visible que les femmes de cette commune ne sont pas tranquilles. L'ancien chef de zone de Nega, Haruna Barineza, a signalé qu'une femme d'une des collines de Nega est restée sous des inquiétudes qu'elle peut être tuée par son mari après que le couple venait de recevoir des conseils par des autorités locales. Certains malfaiteurs disent d'ailleurs, pour montrer qu'ils n'ont pas peur de tuer, qu'ils vont commettre les forfaits et seront transférés à Ngozi pour manger du riz. Quant au commissaire provincial de police à Kirundo, 9 femmes depuis l'année passée ont subi des violences par leurs conjoints. Ici, on signale que toutes auraient été assassinées. Le commissaire de police s'inquiète lui aussi des criminels qui, après quelques jours d'emprisonnement, sont libérés. L'adjointe de la présidente du forum de Kirundo ainsi que la responsable du centre de développement familial et communautaire à Kirundo, toutes précisent que la non-participation dans des réunions et ateliers par des hommes serait l'une des origines de ces assassinats. Elle demande l'emprisonnement ferme de ces derniers sans qu'il y ait la grâce pour eux. Quant à Albert Hatungimana, gouverneur de Kirundo, les personnes qui ont commis des crimes et qu'elles sont libérées, il a demandé à la population de ne pas se venger, mais qu'il va lui-même s'enquérir des informations pour savoir s'ils ont été libérés conformément à la loi. Signalons que 39 personnes condamnées à des violences et assassinats sont déjà libérées en commune de Nega. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. De Kirundo, Kapsi Rutana, où 2 personnes blessées, 1 maison détruite, 2 hectares de champs de culture non encore connus. Tel est le bilan des dégâts occasionnés par des pluies glaciaires qui se sont abattues sur la commune Musongati de cette province l'après-midi de ce jeudi. L'administrateur communal qui confirme cette information fait savoir que les blessés ont été directement transportés à l'hôpital. Les victimes de ces intempéries demandent à l'État et à toute âme charitable de leur venir en aide. Et pour boucler cette édition, au musée de Tervuren, une devise de la Belgique est exposée, quelques objets portant et rappelant le Burundi d'avant, pendant et après la colonisation. Le pédicurier visiteur trouve une très infime partie de cet patrimoine matériel et immatériel à ce musée, au moment où le gros du patrimoine reste dans les archives difficiles aux chercheurs d'avoir accès, qui demandent une longue procédure, n'est-ce pas, Christian Savier? Rien que 2% d'objets parmi des centaines de milliers est ce que l'on peut trouver à l'exposition permanente dans le grand musée Africa Museum à Tervuren, une des régions de la Belgique. Le reste est soigneusement conservé dans les archives du musée et peut être accessible aux chercheurs qui font une demande à l'avance pour avoir le droit à l'accès direct et physique. L'accès au public qui cherche une information passe par le site internet du musée. Les objets burundais présentés à l'exposition permanente sont d'une quantité très minime qui nécessite de la revoir à la hausse pour une grande accessibilité à l'information pour les visiteurs du musée. Avec une plus grande représentation d'objets congolais dans ce musée, 90%, puisque c'est un pays très vaste, le Congo se sent spolié, s'intéresse actuellement à la restitution de ces objets palpables, comme des masques et autres objets scriptés. Au moment où le Rwanda, qui a fait une demande officielle de restitution d'objets rwandais, le Burundi ne l'a pas encore fait. Deux pays d'une culture orale avec moins d'objets physiques, à part la vannerie, les objets pastoraux, les bracelets en bois, la métallurgie et d'autres objets donnés comme cadeau au musée de Turveren par le roi Mwambutsa au cours d'une visite en Belgique le 17 octobre 1963. Une plus grande représentation d'objets burundais qui quitterait les archives pour cette exposition permanente du musée s'avère nécessaire afin de servir les visiteurs du musée. Pour cela, il faut des experts burundais curateurs qui vont choisir les objets à exposer au musée. Ne serait que parmi les 124 000 objets en collection, 100 000 sont congolais, le reste soit 24 000 et pour le Burundi et le Rwanda. Merci Christian Xavier. Et voilà, à 13h12, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Gardez l'écoute. Le programme continue sur Isanganiro.